Au sport, pour le 12 novembre. Dans la Ligue de hockey sans contact juvénile, Louis Saint-Laurent recevra la Frontalière à Istengus à 16h. Pour le 14 novembre. Dans la Ligue de basketball benjamin masculin division 3, Louis Saint-Laurent rencontrera l'école du Triolet à l'école du Triolet à 18h15.